Alors bonjour à tous, Jean-Robin Journaliste, 234e vidéo réservée aux souscripteurs, à tous les souscripteurs. Donc pour avoir des précisions sur la souscription, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur Patreon et vous aurez accès aux 3 souscriptions que je propose. Ça commence à 3 euros par mois. Alors, j'essaye, vous savez, d'alterner les thèmes des vidéos. Donc là, après une vidéo sur la censure, que je subis en France par TV Liberté, après une analyse de la guerre de l'espace menée par le Parti communiste chinois, je continue ma série sur l'Amérique latine et le Parti communiste chinois. Donc après une vidéo sur Cuba, je passe au Venezuela, qui est aux mains des marxistes depuis très longtemps, et notamment de Chavez, qui a réussi à ruiner un pays pourtant riche à foison grâce à son pétrole. Très fort. C'est ça le marxisme. Hein. Tout le monde est pauvre au final, donc tout le monde est égal, sauf les marxistes qui dirigent, évidemment, eux sont riches et souvent milliardaires. Alors, en s'opposant frontalement aux États-Unis, contrairement à la Colombie par exemple, et en imposant un marxisme totalitaire, pléonasme, à toute la population, le Venezuela a plongé dans la pauvreté, la famine, l'inflation et la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Parmi ces dépendances, la Chine communiste évidemment, un des principaux partenaires du Venezuela et le premier détenteur de la dette du Venezuela, qui en profite pour mettre la main sur le pays de plus en plus. Donc nous allons voir dans quelle mesure et au bénéfice de qui. A tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres.